ouais. D'un foot de Dawa, ouais, nique la trala, ouais. Tout ce que tu voudras, ouais, fiston, ouais, ah, allez, nique tout, nique tout, nique, nique tout. La voix d'un immigré vient si c'est figé, civilisé figé, longue pont du versile, vierge pointe foutue. Il tape pas la guerre quand t'as la charge, me charge de préparer la charge à coup de crash, file les filons le galop. Les faucons de la nuit, je représente pour les miens immigration. La France du troisième millénaire, il me dénonciation. Méthode fichée pour ma télématon, version Pasqua de Bradil, ici ma grèche, y'a pas de regret. Dénoncé, déporté à travers les maneux, le portier exporté, population bannie, version les Schindler à l'envers, dignité bafouée. Respect de l'autre chaud, des crapules réformées. Nous perdons ton badine, fils insulté, parents expulsés, cause de cause, j'cause de cause. À cause de l'holocauste, cause d'une constatation, je craque, crache sur Babylone, la conne. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'enfant sur le fond. En France, c'est la merde, je viens foutre la mienne. Craché sous les institutions, Babylone, la connais, la connais. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'enfant sur le fond. Tape-toi dessus, tape-toi dessus. En France, c'est la merde, je viens foutre la mienne. Craché sous les institutions, Babylone, la connais, la connais. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'enfant sur le fond. Tape-toi dessus, tape-toi dessus. Honorable loi, je me suis vite perdu dans leur programme. Le respect de la parole donnée pour un système où l'honneur est sauf quand tu allonges le pognon pour acheter un juge. La justice en contresens, mais glorifie pas son autorité, son devoir de chien de garde. Ces braves qui tout te pissent dessus, croyant que dans la rue, on est forcément tous détordus, pendant que d'autres dorment sous la sûreté du territoire. Moi j'ai des insomnies et des cris de révolte, surtout quand un flic m'arrête, me parle comme une racaille, en regardant ma carte avec un mépris. Certains, comment voulez-vous que je lui parle d'humanisme? À ce bâtard qui pense qu'il a tous les droits, et forcément c'est moi le hors-la-loi. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais ma peau me fait perdre tous mes droits. Et je deviens la proie d'une idéologie qui croit que l'uniforme national est une milice privée de l'État. Aide la police, tape-toi dessus. La liberté d'expression, c'est pas pour les gars de la rue dépourvus de ne tue. L'État, c'est loi, c'est pieux de droit destiné à être le bien-être. Le bon vivre de ses citoyens, la fin justifie les moyens. Les CRS, la police, enfermés, engagés toute la journée. À pouvoir rentrer dans la cage à poulet à toutes les occasions. Pas que lors des manifestations, ou écoute des putains nègres ou basanés. Reste passion, et veut de l'action, rêve d'enfant de putain skinhead. Réalisé grâce à la complicité de l'État, tape sur tout ce qui bouge jusqu'à ce que coule rouge couleur du sang, c'est désolant. Pour une société décivilisée, visée, je viens viser. Dénonciateur ou provocateur, là n'est pas la question. L'État me veut, me cherche, veut me faire la peau. Allez, faut nous retrouver, je continue à exposer mes propos. Muni de ma gâchette stylo, sans répit, charge à coup de rime face. Oh putain, je suis pour Alcatraz. J'ai tombé avec ma trompée, silence chiche, j'ai une grande gueule. Et alors, la vérité dérange les hauts placés, surtout lorsqu'elle sort de la bouche d'un mec de la basse société. Alors la police débarque chez moi, perquisition, action, fouille toute ma maison. Un coup de filet, je peux plus me défiler. Coincé, je suis tabassé, où est coué, direction au tribunal. Et où je suis à mon lit pour avoir exprimé mes idées. Alors j'ai de la police, la justice, elle me tape dessus, c'est moins d'amender. Merdé, pour les coups, je peux me démerder. Je peux me démerder. Leur institution, costume, cravate, vomissant leur philosophie sur la grandeur de la France. Plus haut, encore plus haut, au plus près de leur idéal. Pour des anges qui ne font plus louange, mais sèment le mauvais songe. Ces hommes trafiquent dans l'ombre, t'entassent dans des cages, puis te taxent et t'écrasent la face à la ramasse. Pendant ce temps, le temps lui passe et un autre prend vite ta place. Et tu finis sur les trottoirs, rempli de grâce. Paradis avec un pied dans la tombe. La mafia, c'est l'état légal qui se cache sur des côtes pénales. Pour une totale pas vraiment loyale, mais nous l'enfonce très profond dans les annales. Tu crèves la dalle sur le poids de la liberté. Telle est la démocratie du peuple. Franchis la ligne et tu comprendras assez vite que les limites autorisées, c'est le blé que tu payes pour un semblant d'existence. Et le pire est de savoir que ces hommes de grandeur te promettent de la merde en guise de paradis artificiel. En France, c'est la merde, je viens foutre la mienne. Craché sous les institutions, Babylone, la connais, je la connais. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'emporte sur le fond. Tape-toi dessus, tape-toi dessus. En France, c'est la merde, je viens foutre la mienne. Craché sous les institutions, Babylone, la connais, je la connais. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'emporte sur le fond. Tape-toi dessus, tape-toi dessus. En France, c'est la merde, je viens foutre la mienne. Craché sous les institutions, Babylone, la connais, je la connais. La France, pays des droits de l'homme, la forme, l'emporte sur le fond. Tape-toi Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Ouais, on fout le dawa.